Entrez, c'est par ici. Installez-vous confortablement. Léna, Jack vous accueille dans le club VIP. Club VIP. Le club VIP, l'émission qui déchange la tête. Voici le club VIP avec Léna dans les studios, avec Jack et avec la bonne ambiance, le bon esprit et tout team qui va avec. Comment allez-vous les auditeurs? Ça va bien, ça fait bien plaisir. Un programme en tout cas pour vous bien croustillant avec pas mal de chroniques, de rubriques, dont notamment Léna. Oui. Tu veux savoir le menu? Ouais, je veux savoir ce qu'on mange. Ce qu'on mange aujourd'hui, alors il y aura le sondage, la série radiophonique, la sonore chronique, le journal de la rédaction, le sein du jour et le canular. Pas mal de choses. Pour une entrée, c'est pas mal. Exactement. Et la suite de la musique, je te propose Nelly Furtado pour commencer à attaquer cette émission. Ça va être Sidetrack sur l'antenne. Le club VIP. Night. kiffes les huîtres? Le club VIP t'offre un max de fruits de mer. Sapristi, c'est vrai? Un peu que c'est vrai, champion. 48 huîtres à gagner entre 10h30 et 12h30. 4 douzaines, c'est sûr que ça va faire des heureux. Ouais, c'est trop bien, j'ai gagné 48 huîtres. Club VIP. Le club VIP, la suite avec son lot de bonne humeur sur l'antenne, ça fait bien plaisir. Elena dans les studios qui est là, toujours aussi rigolote. Oui. Toujours aussi souriante. Ah bah si, moi je le dis pour les auditeurs, c'est vrai que... Oui, c'est vrai que c'est mieux de le savoir. C'est mieux de le faire dire par quelqu'un d'autre que par soi-même, ça fait un petit peu moins... Égocentrique. Enfin, je me comprends. Et nous allons attaquer donc avec le sondage du jour d'ici quelques secondes. Ça sera après bien sûr de la musique. À venir également dans le programme, il y aura la saga radiophonique épisode 16e épisode. On se rapproche de la fin. Oui, là, parce qu'il n'y a que 20 épisodes. Ouais. Et on sait que là, on est dans les starting blocks sur l'écriture des derniers épisodes. Parce qu'il faut savoir que la série n'est pas finie. Non, on n'a pas encore. On n'a pas encore tout écrit. Peut-être falloir qu'on s'y mette. Il y a quelques bugs de production, mais je crois que ça suit son cours. Et m'a-t-on dit au niveau du film qui va sortir, bien sûr, après la série, les droits sont pratiquement rachetés. D'accord. Et ben, pour la musique, Bean Grower, I Like You. On attaque le sondage juste derrière. Ça, c'est une particularité de l'été. Love. veux suivre Estival en permanence, c'est simple. estivales.fm.free.fr. estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Club VIP. Le Club VIP, la suite avec le sondage du jour qui arrive sur la radio. Et ce particularisme de l'été qui dit particularisme dit Léna, parce qu'elle est très à cheval sur les, tout ce qui est particularité. Oui. Oui. Oui. Ouais, j'arriverai pas à faire ce oui quand même qui a été cultissime cet été. Et j'essaierai, je m'entraînerai, mais je n'y arriverai pas. Si, tu vas y arriver. Non, je n'y arriverai pas. Je vais te donner des cours. Vas-y. Oui. Oui. C'est quand même très difficile. Et le particularisme de l'été, c'est cette petite chose qui fait que les vacanciers font ou ne font pas. Et toi, tu sais exactement ce que c'est, puisque tu leur poses la question « Que faisiez-vous le matin, la première chose quand vous arrivez en vacances, etc. etc. » Ça s'appelle le sondage du jour, et c'est bien fait. Le sondage du jour. Toutes les tendances, enfin déchiffrées par notre expert. Ce matin, le sondage va parler de mon TV-scope. Ça va pas ou quoi? Il n'y a pas de Chantal Goya dans le studio encore. Donc ça va parler de télé-réalité, donc de mon TV-scope, parce qu'en fait, tout l'été, je vous ai présenté des émissions de télé-réalité. Donc quelle a été votre émission préférée, en fait, sur tout l'été? Donc en vrai, on m'a répondu Koh-Lanta. Ouais, ah, excellent. Bah oui, ça reste Koh-Lanta quand même. Ça fait quand même la 6e ou 7e édition. Moi aussi, donc, j'adore. Voilà, la 2, c'est L'île de la Tentation. Et en 3, c'est Secret Story. Bah ouais, c'est comme moi. Franchement, c'est Alice, non, Secret Story, c'est pas forcément top top, et c'est quand même, ça reste. Ouais, malgré ça tout. Ça reste dans le trio, donc ouais. Bah c'est excellent ça. Oui, ça fait bien plaisir parce que, en plus, c'est ma préférée, Koh-Lanta. C'est toi, pas tu pour regardes Koh-Lanta? Ah ouais. Je savais bien. J'ai une tête à regarder Koh-Lanta. Yves Larocque, Rise Up sur l'antenne. Et puis merci pour ces résultats Sofres, CSA. Comme tu sais si bien le faire. Contactez la radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. Pardon ? 0622 69 18 19. Club VIP. Le Club VIP, ça continue, c'est toujours la bonne émission, la bonne forme, avec bien sûr Léna également dans les studios qui va bien. Très très bien. Voire très très très bien. Très très très très bien. Tu kiffes la life ? Oui, beaucoup. Bon, bah, c'est parfait alors. Elle aime bien sortir ses expressions quand même un peu jeunesse, c'est important. Vous voulez nous contacter, c'est très simple, par texto, vous pouvez le faire 0622 69 18 19 à gagner des places de cinéma, mais également des huîtres. Il faut pas oublier qu'on est la radio des huîtres. C'est vrai, on 48. A 48, c'est ça. Ouais, voire des fois x2, 96. Bien, bien, bien, bien. Et 48 au carré ? Ah ouais, ça, ça rigole moins déjà. Hein. C'est sûr. Ah, si les auditeurs nous donnent la réponse dans les 2 secondes qui viennent, on leur fait gagner les 48 huîtres. D'accord. Ouais, mais 2 secondes, c'est passé déjà. Ah bah trop tard, hein, fallait jouer vite, fallait vite c'était avoir la main. C'était le scooter normalement. C'était le scooter à gagner aujourd'hui, effectivement. Puissance Millennium. Moi, je vous propose quelque chose de bien sympathique, c'est Ciara Like a Boy. Et juste après les 2304 huîtres, c'est 48 au carré. On retrouve la saga radiophonique du jour. Security codes on everything on my bracelet, phone don't never ring. And another one he don't know about. Wish we could switch up the roles. I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? 'Cause I'm out 4 in the morning on the corner rolling. That car when you with him, like I'm keep a straight face when you tell a lie. Always keep an airtight alibi. What he don't know won't break his heart. Wish we could switch up the roles. And I could be that. Tell you I love you, but when you call, I never get back. Would you ask them questions like me? Like where you be at? 'Cause I'm out 4 in the morning on the corner rolling, doing my own thing. If I act like you, won't come out up in your shoes. I'm messing with your head again. Dose of your medicine. What if I had a thing on the side?

Le club VIP avec Jack, avec Léna, avec toute l'équipe. Ça se passe bien dans le studio. Ça se passe très bien, on a la bonne humeur, c'est parfait. Ouais, c'est dans la rigolade. J'ai envie de dire parfois la gaudriole, oui, mais c'est pas vrai. Faux. Que tu aimes bien ce mot. Oui, mais les gens qui viendraient ici diraient pareil, parce que c'est un côté godo-pato, tout dans la driole. On aime bien quand même. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'ici quelques instants sur l'antenne ? Alors là, Summer Chronique. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Ça est consacré à quoi ? La pub. Oh, elle débloque, elle va débloquer une dernière fois. Mais qu'est-ce qu'elle va débloquer ? On va mettre la meilleure pub qui débloque, peut-être pour une marque de lessive, peut-être j'espère. Un détachant, peut-être oui, pour autre chose. Aussi. La musique, ça va venir très rapidement avec James Blunt, le titre évidemment. Alors, je te le donne. Oui, vas-y. Mais tu me le donnes avant. 1973. Ah ouais. Club VIP. Comment tu savais ? C'est son code PIN. Ah oui, de carte, de puce, portable, téléphonique. Allez James Blunt, pour une fois que t'as l'œil, il a la pêche, ça fait plaisir. I would call you up every Saturday. would both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973, singing, here we go again. I would call you up every Saturday night, and we'd both stay out till the morning light, and we'd sign, here we go again. And though time goes by, VIP. James Blunt à l'instant. Le nom du titre 1973 et en anglais ça donne 1973 et en espagnol? En espagnol? Oh là, t'es méchant sur ce coup-là. 1973. 13, ouais, tout à fait, bravo! Bravo, on peut applaudir dans le studio est en liesse. On a une Spanish girl dans les studios. On va attaquer avec la pub qui débloque. Alors, oui. Qu'est-ce que ça veut dire quand la pub débloque? Ça veut dire qu'elle part en cacahuète. Qu'elle fait n'importe quoi. T'as mis où les cacahuètes? Dans ma bouche. Ah mince. Je voulais rendre. Tu m'en as pas gardé? Si, t'inquiète, dans ma poche aussi. Ah d'accord. Nous allons attaquer cette pub qui débloque, mais pas trop fort quand même. Tu vas choisir pour les auditeurs, parce que c'est un moment important, quel annonceur tu voudrais voir en fait diffuser sur l'antenne. Annonceur qui demande du faux argent, puisque c'est de la fausse pub. Alors je te propose une pub pour un forfait téléphonique de texto vraiment pas cher. La pub Fiante, c'est le nom. Désolé, hein. Il y a la pub également Clown, donc ça c'est si vous voulez être drôle. Pardon. Oui, je sais d'avance ce que tu vas choisir. Il y a une pub pour un déodorant qui fait un max d'effet. Ah, je prends la pub du déo. La pub du déo? Ah ouais. D'accord. Ok, ça s'appelle Max. Okay, oh bah... non, on l'a déjà faite. Ah oui, on l'a déjà faite, on l'a déjà faite. Bon. Oui. On l'a déjà faite, Max. Alors tu choisis. Ah, tu vends encore des propositions. Il y a également une pub pour devenir un wesh wesh. Ah, oh, c'est pas mal ça. Tu veux devenir un wesh wesh? Ouais, on va essayer de devenir un wesh wesh. Bon, allez, on y va. Écoute bien. Toutes les indications sont dans cette fausse pub. La pub débloque. Bah moi, dans mon lycée, je suis le ringard de la classe. Moi aussi, dans mon collège, on m'appelle Neuneu. Assez d'être un loser, procure-toi le DVD Wesh Attitude. Wesh Attitude. Un DVD éducatif pour devenir le bad boy de la classe. Moi c'est Lord Cotieri, ancien joueur d'échecs reconverti dans le branleur. 2 heures de formation interactive pour devenir wesh et choper un max de girls. Leçon numéro 1, savoir porter la casquette. Comme Lord Cotieri apprend à parler chez Bran pour brancher les meufs. Wesh, t'as vu, j'assure le style. Apprend à cracher comme un vrai bad boy. Et en bonus plus, découvre le top 10. Des insultes les plus Kaira. Kaira. Ça ça. Le DVD Wesh Wesh et son fascicule pour seulement 69 euros chez ton marchand de journaux. Pas cher. Le club VIP. Alors Léna, tu as vu un peu comment devenir wesh? Wesh. C'est facile. Procure-toi le DVD. Et peut-être qu'en regardant le clip de Timbaland, t'auras également les attitudes. Soulmates. Ça dansait dans le studio, je vous cache pas. Timbaland, The Way I Are, c'était énorme. Le club VIP. Ah bah ouais, c'est le club VIP avec son lot de bonne musique, son lot de bonne humeur. Vous êtes gâtés quand même pour l'instant. James Blunt, Mossam Sads. Il y avait également Ciara avec Like a Boy, Yves Larocque. C'est pour ceux qui ont raté, hein, et on leur dit un petit peu ce qu'ils ont raté. Mais rassurez-vous, quand je regarde la suite du programme musical, je me dis que vous avez tout autant gâté. Vous avez eu raison d'attendre. Ah, avec le sourire en plus. Qu'est-ce que nous avons retrouvé par-delà le programme ? Le journal de la rédaction. Oui, mais au-delà du programme. Au-delà du programme ? Si on dit on veut plus du programme, on veut autre chose. D'accord, donc moi je propose un jeu. C'est-à-dire que si vous répondez à la bonne question, vous partez avec Jack pour une soirée merveilleuse. D'accord. Voilà. Quelle est la question et... On verra ça tout à l'heure pour le Sun Game. Wow. C'est plus des huîtres qu'on gagne, mais c'est l'animateur. Allez, puis également l'animatrice. Non, juste l'animateur avec sa belle chemise. Mini Sun Game. Qui en plus est toute propre, c'est magnifique. Oh, c'est dire. Les matins de Perros-Guirec, tu connais ? Non, mais tu vas me dire. C'est vrai, tu connais pas ? T'as jamais été le matin à Perros-Guirec ? Non. Et bah, t'as les matins de Paris également avec Tiki Latex, c'est featuring Lio, nous on aime bien, c'est un peu décalé. J'aime tout plus. Club VIP. Le Club VIP avec Léna dans les studios. Je suis toujours là. Ouais, ça va, et radieuse bien. Aujourd'hui, mais c'est incroyable. S'il y avait une webcam, d'ailleurs il y a une webcam mais inactive, vous seriez vraiment conquis quand même. C'est vrai, ah, c'est gentil. Ah mais c'est un plaisir. C'est pour ça qu'on t'a accueilli sur l'antenne tout l'été parce que tu apportes d'ailleurs ce soleil qui n'était pas forcément présent sur la côte de Granit Rose, il faut le dire. Et aujourd'hui, il est bien là. En tout cas, nous allons faire un point sur la météo d'ici quelques instants, ouais. Tout à fait. Alors, j'étais en train de préparer les news, puisque mm-hmm. Tu sais qu'on a un journal de la rédaction. Oui, tout le monde s'active là. Voilà. Je m'active tellement que je suis en train de me dire qu'il y a un paquet de news qui sont redondantes dans l'actualité. Alors, je suis obligé de me casser la tête, mais ça y est, je vous ai trouvé deux news complètement insolites que personne n'a, qui sont des news de l'agence Reuters. C'est une prestigieuse agence d'information. Donc tout ça, c'est juste après le top. Tu me donnes le top pour lancer le journal. Top. Journal d'Estival. Journal d'Estival. Alors attention, ça c'est de l'info. 55 ans avec un crayon dans le crâne. C'est comme le rugbyman avec sa dent. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bah je sais pas, on va développer. Une seconde lune de miel pour ne pas faire d'enfant. On y va, on développe. Vas-y, développe. Développons. Alors, on attaque avec 55 ans avec un crayon dans le crâne. Ça se passe à Berlin, une Allemande de 59 ans s'est fait retirer le morceau de crayon qu'elle avait dans le crâne depuis 55 ans, effectivement. Oh là là. Margaret Wagner était tombée, un crayon à la main à l'âge de 4 ans. Il a traversé la peau et a disparu dans ma tête, a-t-elle expliqué au Bild, selon un article publié lundi. Aucune partie vitale du cerveau n'a été atteinte, mais elle avait la bosse des maths quand même. Malgré tout, Margaret souffrait depuis de maux de tête et de saignements de nez. À l'époque, les médecins n'ont pas voulu risquer de l'opérer, mais les progrès à la technologie ont rendu l'intervention possible. Une portion de 8 cm du crayon a été retirée. C'est beaucoup 8 cm, je te montre. Oh, c'est énorme. Mais ouais. Qu'est-ce qu'elle fait ? Mais un morceau de 2 cm était si fermement fiché dans le crâne qu'il n'a pas pu être extrait. Ah, c'est de la news qui fait bien plaisir le matin. Et l'après-midi et le soir. Une seconde lune de miel pour ne pas faire d'enfant. Un état de l'ouest de l'Inde offre une seconde lune de miel aux jeunes mariés qui acceptent de différer de 2 ans la naissance de leur premier enfant. Une mesure destinée à juguler un taux de natalité jugé trop élevé. Effectivement, tu sais que c'est un véritable problème. Puisqu'en Inde, ils ont atteint le milliard. Et puis, on sait que c'est un pays avec des richesses quand même limitées. Et donc, c'est une opération assez intéressante. L'offre baptisée Honeymoon Package est proposée par les autorités du district de Satara dans l'état de Maharashtra, rapporte mardi le Times of India. Donc, les couples qui reportent de 2 ans la naissance de leur premier enfant recevront donc cette lune de miel d'une valeur d'environ 5000 roupies. Alors, tu vas me dire, 5000 roupies, ça fait quoi ? Ça fait 90 euros. Mais bon. Pour les activités capar mort, que se passe-t-il ? Alors, aujourd'hui, mardi, vous avez skatepark avec le prêt du matériel, donc de 15h à 19h à Central Park. Vous venez découvrir l'équitation, donc de 14h à 15h. Vous avez aussi de la cuisine avec des crêpes et galettes de 14h30 à 16h30. Donc, si vous voulez aller voir Jack, qui sera dans les parages, je pense qu'il est très gourmand. Vous avez tournoi de tennis ballon, hein, 2 contre 2, donc de 15h à 17h à Trestraou. Pour la soirée, c'est du badminton. Donc le tournoi des moins de 14 est de 18h30 à 20h à Kerabram. Et le tournoi des plus de 14 est de 20h à 23h. Et c'est aussi à Kerabram. Pour demain, mercredi après-midi, vous avez le skatepark. Encore de 15h à 19h à Central Park. Fabrication de bracelets de 15h à 17h et des activités athlétiques de 14h à 16h30. Et c'est à Trestraou. La soirée, c'est tournoi de volley en salle 3 contre 3 et c'est de 20h à 23h à Kerabram. Pour destination bien-être, aujourd'hui mardi, le tabac pas pour moi. Donc, savez-vous que nous sommes à J-126, donc où il ne sera plus possible de fumer dans les lieux publics et c'est à Trestraou. Pour mercredi, vous avez 100% bien dans mon corps, donc des pieds à la tête. Viens revisiter avec nous tous les conseils santé pour finir l'été en beauté et recommencer la rentrée avec un maximum de pêche. Donc ça aussi, c'est à Trestraou. Donc voilà pour la fin du programme. Donc je continue, autant continuer. Oui, non, mais on va juste passer un petit peu de musique. William, I am got it from my mama. Et on se retrouve juste derrière pour la suite.

la musique Kelly Clarkson, Never Again. When you're in bed with her, you think of me. I would never wish bad things, but I don't wish you well. Could you tell by the flames that burned away? I never. Club VIP avec Léna dans les studios. Je suis toujours là. Ouais, la classe. Ouais. Le style, c'est Léna. Ouais. Eh ouais. Nous avons, j'annonçais avec force et rage à nos auditeurs combien tu étais douée dans l'analyse du prénom. C'est vrai. Et je disais vraiment c'est ça sincèrement. C'est l'heure de l'analyse du prénom. Oui, et je disais également aux auditeurs si ils ont un prénom compliqué et qu'ils veulent savoir vraiment si psychologiquement c'est un prénom qui tient la route. Ils peuvent l'envoyer par SMS. Voilà. Au 0622 69 18 19. Au pire, ils l'envoient par SMS. 0622 69 18 19. Ah, j'ai encore cafouillé un truc. Oh non. Comme d'hab. Mais non, pas du tout, ça m'a fait bien plaisir. Nous allons attaquer avec le saint du jour, t'es prête? Ouais, je mets mon casque, c'est parti. Ah ouais, mets le casque, hein, parce que attention, si tu mets pas le casque, ça marche pas. C'est bon, j'ai le saint du jour. J'ai le prénom à souhaiter, oh non. Tom.

Le club VIP, c'est avec Léna, Léna. Ça fait plaisir. Hein. Bah c'est ouais. avec... Jack, ouais. Et c'est avec la bonne humeur, Whoopi. Elle est sympa la bonne humeur. On va attaquer avec un canular d'ici quelques instants. On est en train également de post-produire la série radiophonique. Vous savez, Kiss Kiss Forever, épisode mm-hmm. Donc 17 aujourd'hui qu'on vous diffusera. Et également, bah là, on est en train de post-produire cet épisode qui n'est pas encore sorti des fours de la radio estivale. Il faut mm-hmm. le savoir. Donc, quand vous allez l'entendre d'ici une demi-heure, il va être tout chaud, brûlant. Faites attention à vos oreilles. Vous savez, quand le serveur apporte des fois à manger avec l'assiette, elle est un peu chaude. Et ben là, c'est pareil. La série radiophonique va être toute chaude. La suite également, c'est avec Fergie, Big Girls Don't Cry, après Beautiful Girls. Voici Fergie qui s'élance sur la radio estivale. Et j'ai annoncé également aux auditeurs une surprise. Il y aura pour la dernière vendredi une grande chanteuse française. Ouais, dont les initiales sont AB. Exactement. Et qui sera là dans les studios. Ça va faire bien plaisir. Fergie, Big Girls Don't Cry. Na, na, na, na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your down. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Club VIP. Backstage obligatoire. Tu déconnes, on va pas se faire encore un plan gros sacom. De quel plan tu causes, tu oses, c'est toi qui a commencé. J'abandonne, t'es vraiment plus bonne, à pas grand chose, tu déconnes. Ben tu vois, lui me trouve super bonne. Yael, à cause des garçons, c'est sur l'antenne, c'est le Club VIP. Club VIP. Et Yael, qu'on avait bien sûr reçu ici sur cette même antenne, souviens-toi, Léna. Elle était bien sympatoche. Elle était super gentille. Elle avait le jeu. Elle avait plein de choses dans la tête. Ouais. Et elle entame une grande carrière en Australie. Ça, c'est pour les personnes qui vont partir en Australie. On vous annonce que Yael partira pour une tournée. Elle fera également quelques dates. J'ai entendu parler de ça dans l'émission du warm-up dimanche soir. Des dates bretonnes, puisque Yael est bretonne. Elle s'appelle Julie de son vrai nom. Elle habite Saint-Julien, près de Saint-Brieuc. Il faut le dire, ces choses-là. Nous allons attaquer. C'est pas loin de Saint-Brieuc, ouais. Oui, c'est à 10 km de Saint-Brieuc. Tu connais ? Bah oui, j'habitais Saint-Brieuc. Ah ouais, mais pas Saint-Julien. Sinon. Si, j'ai un pote qui habitait là-bas, donc j'allais souvent sur si Saint-Julien. Si ça se trouve, t'as bah croisé oui, Yael. J'ai peut-être croisé Yael. C'est pour ça que c'est ces attitudes un peu de fille qui n'en veut, volontaire, dynamique. C'est ça, ouais. On va attaquer le canular, tu sais un peu le principe ? Oui, je t'écoute. Alors, on va appeler des cuisines. Saint-Augustin. D'accord. On va se faire passer pour une personnalité importante. Mm-hmm. Mais on va voir, sans citer de nom, on va juste jouer la personnalité importante, vois-tu ? Donc dans la discrétion la plus totale, c'est parti. Alors, la ligne est bonne ? Elle a l'air. Elle est meilleure. Bon, bah, la personnalité importante a un accent quand même. Aha. Une voix, une forme de voix. Rebonjour. Cuisine Perrine Paul, bonjour. Rebonjour. Je vous appelle parce que je souhaiterais avoir des renseignements. Vous faites des cuisines de luxe ? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que je m'occupe actuellement, j'ai une résidence pour 4 ans. Mmh. Je souhaiterais, enfin 4 ans et demi maintenant, je souhaiterais revoir la décoration des cuisines. Dans quelle mesure vous pouvez intervenir le plus rapidement possible, j'entends bien. Dans un premier temps, on travaille sur plan. Donc faut que vous veniez à la boutique, c'est sur rendez-vous, et on étudie le projet ensemble en fonction des dimensions que vous avez chez vous. Ben moi, c'est un appartement de fonction, hein, tout simplement. C'est possible de, à la fin de, bah de ce, moi ça va durer 4 ans et demi. Est-ce que c'est possible de tout faire sauter, par exemple? Ouais, faut une entreprise de travaux, mais oui, c'est possible. Mais ça me coûtera rien parce que bon, bah c'est dans les frais annexes étatiques, quelque sorte. Par contre, la question que je me posais, parce que c'est vraiment grand, j'ai de la surface. Il y a trois. Moi, je vois là, au niveau de la cuisine en elle-même, fait 100 mètres carrés. Oui, c'est une grande cuisine. Vous avez du mobilier pour occuper tout cet espace? Bah oui, je fais ce que je veux. C'est des mobiliers faits à la mesure, hein, avec des gros aménagements en intérieur. Ouais, d'accord. Ça vous est déjà arrivé, des cuisines de 100 mètres carrés ou pas? Ouais, j'ai des projets là-dessus, ouais. C'est plus du semi-professionnel, hein. Ah non, moi c'est pour tout simplement faire des réceptions. Ouais, bah c'est ça, mais j'ai les deux cas de figure, en fait. D'accord. Qu'est-ce qui se fait le mieux? Et là, j'ai un peu en renseignement au niveau matière pompeuse, un peu. Vous savez, qui en jette un peu. Il y a un matériau qui est vraiment, vraiment super bien, c'est l'aluminium. Ouais. Vous avez un aspect métallique sur toutes les façades avec un service dessus au niveau nettoyage et robustesse du matériau qui est génial. Sinon, il y a d'autres matières qui viennent d'arriver sur le marché. La plus chère, par exemple? Ça va être l'acrylique et l'aluminium. Ouais, l'acrylique, l'aluminium. Le marbre, est-ce que ça fait pas un peu suranné? C'est ce que je me demandais. Le marbre? Ouais, suranné. En façade? Pardon? En façade? Moi, je vous parle des façades. Hein. Oui, bien sûr, tout à fait. Je fais pas de façade en marbre. Hein. En matériaux exclusifs sur les plans de travail, il faut prendre soit de l'inox, soit du granit. Ah ouais. Surtout pas de marbre, c'est déconseillé en cuisine. Ah, pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop poreux. Ah oui, donc enfin, ça risque d'absorber, d'accord. Ouais, vous faites ce que vous voulez, mais le granit, c'est la meilleure des solutions. Ou l'inox, si vous voulez vraiment quelque chose de super pro. De résistant, d'accord. Et il y a des petites fantaisies, genre des robinets en or ou enfin des choses comme ça qui peuvent s'ajouter? Ouais, bien sûr. Il y a tout ce que vous voulez. Hein. Si vous avez le budget idéal, vous faites ce que vous voulez. C'est plus que des cuisines après, hein. C'est autre chose. Hein. Bien sûr. C'est vraiment autre chose. C'est un petit bijou de luxe hein, que je veux avoir. C'est pas un petit, là, c'est un gros. Hein. Si vous voulez. Il y a des éléments là qui sont sortis, qu'on va peut-être avoir en expo, où vous avez plus du tout de poignées, vous avez des systèmes sensitifs, c'est-à-dire vous appuyez à peine sur la façade et les coulissants et les portes viennent vers vous. Ah ouais, quand même. Ouais. Et en sifflant par exemple, ou vous savez, en tapant dans les... Non, pas encore. Ah, ça c'est pas mal aussi. Non mais je demande, hein, je m'informe parce que là on va mettre le paquet, enfin je souhaite mettre le paquet, puisque c'est une fonction donc, que je vais occuper pendant 4 ans et demi dans une importante résidence parisienne. Et à ce titre, je venais tout simplement en renseignement. Et je vais donc passer. Alors, ce qu'il faut que je fasse concrètement, je vous emmène les plans de cette énorme cuisine. Ouais, voilà, c'est ça. Si vous avez le plan du dessus, ce serait l'idéal. Je vous ferai venir un conseiller. Ouais, ouais. Et venez avec vos idées, ce que vous voulez mettre à l'intérieur, les propositions que vous avez, enfin tout ce qui vous fait plaisir pour mettre dedans. Excepto le marbre, si je puis me permettre. Le granit, si vous aimez bien le marbre... J'adore le granit. Vous savez que j'ai vécu dans la Côte de Granit Rose pendant très longtemps. Ouais. C'est un très bel endroit. Peut-être que vous pourriez en importer de là-bas. Ah ouais, c'est possible, mais faites attention tout de même au niveau de cette pierre-là. On peut l'avoir décorativement, mais pas quand vous travaillez en cuisine proprement dit. Non, mais on fera au mieux. Mais décorativement, vous pouvez sans problème. Hein, si vous voulez mettre un sol ou quelque chose comme ça en marbre. C'est formidable. Je vois que vous avez toutes mes desiderata en tête et j'en suis fort soulagé. Si c'est comme vous voulez, sinon on peut prendre rendez-vous tout de suite si vous voulez passer à la boutique. Moi je vais passer, je vais appeler donc ce conseiller parce que vous savez que ça, on passe par des architectes. Hein, par contre, je suis obligé. Moi, bon, on travaille aussi. Je lui indique votre numéro. Ouais. Et on voit ça. En tout cas, merci beaucoup. Je vais vous donner mon nom parce qu'on est plusieurs ici. Mon nom, je suis monsieur Petit. Oui, oui. Merci. Bah, c'est noté. Comment? PE. Oui. PE. Ouais. D'accord.

Club VIP, la suite avec Aiken featuring Eminem, Smack That. Et puis le saint du jour étant passé, Saint Augustin aujourd'hui, dont on resalue évidemment le prénom, nous allons attaquer d'ici peu avec le Dance Machine du jour. Alors ça c'est un truc, c'est une institution ici à la radio. J'ai envie de dire le truc institutionnel par excellence, si je peux me permettre de joindre ces deux mots un peu antagonistes. Mais nous allons effectivement retrouver cette rubrique qui consacre un artiste des années 90 qui revient sur le devant de la scène. Oui, bien évidemment, c'est le Death Machine. Ouais. Et c'est toi qui présente ça à chaque fois. Et à chaque fois, on revit des moments, des sensations oubliées. Ça fait bien plaisir sur l'antenne. Bah oui. La musique, c'est MC Solar, Click Click, avec le Dancehall Remix, tout simplement, pour bouger vos popotins. Bah oui, parce que derrière le poste, on a envie également que vous vous amusiez. Club VIP. Backstage obligatoire. Right, big up. Strictly Dancehall. Respect to the maximum, MC Solar. Philosophique basé sur des faits historiques. Depuis le Jurassique jusqu'au SMIC, les acidiques. Pour le pouvoir, le trafic, le sous-sol ou les narcotiques. Certaines personnes utilisent le clic-clic sur toute la terre en Afrique comme dans le sud de l'Amérique. On utilise la même logique même si ça n'est pas démocratique. Quand s'en mêlent les politiques, on met des gamins dans des jeeps qui, sans esprit critique, utilisent le clic-clic. Pour régler les problèmes, ils utilisent la flingue. On ne veut plus de Munich, sur les côtes du Mozambique, on a établi des listes, une gestion mathématique. Le fascisme et l'esclavagisme ont envoyé au casse-pipe des humains d'un certain type en usant du clic-clic. C'est une question de principe, c'est même une question d'éthique. Car cette fois, ça n'est pas hit, les jeux vidéo, l'équipe. Ce qu'il faut, c'est que l'on participe en deux mots, former l'équipe pour ne pas rendre glamour l'utilisation du clic-clic. Par amour d'une métisse ou par amour de la métiste, parfois où tu habites pour une insulte dite en public, dans les ghettos, les quartiers chics, pour une simple histoire de flic. Sans aucun scrupule, on utilise le clic. C'est un conte philosophique, c'est aussi une autocritique. J'étais fasciné par les gueules tout en restant pacifiste. Voir ce qui se passe dans le monde, cela m'a donné le déclic. Ça commence par la haine et ça finit par clic-clic. C'était MC Solar à l'instant sur l'antenne et c'est dans le Club VIP. Club VIP. La suite du Club VIP, c'est le Dance Machine, on vous l'a annoncé, donc on va attaquer avec cette chronique, Summer Chronique bien croustillante, comme on l'aime à souhait. C'est Léna évidemment qui s'y colle et va nous parler aujourd'hui de quelqu'un que j'aime pas mal au niveau tube dance. Juste une question, Léna, est-ce que notre fameux morceau... Non mais c'est bon, tu peux rester, tu m'as montré le disque, le vinyle, maintenant c'est bon, je suis rassuré. Il est arrivé ? Voilà, le vinyle est arrivé, je vais aller le chercher. Parle-nous, succinctement, hein, très succinctement, parce que je crois qu'il y a peu de choses sur en ce fait, groupe. En fait, tu m'as demandé un Dance Machine, donc ton préféré, donc je te l'accorde, mais le problème c'est qu'il n'y a pratiquement rien. Eh ben on va bien rigoler. Oui. Le Dance Machine du jour. Le Dance Machine du jour. Alors, c'est Daoul, donc le Dance Machine du jour. Son vrai nom, je le sais, c'est Frank Tomiczek, voilà. Donc, il a sorti plusieurs singles qui ont fait succès, en fait, dans les années 1997. Ce que je trouve bizarre, c'est que je le pensais plus dans les années 90. Donc, il signe son premier album juste après. Et il enregistre par la suite plusieurs titres en 98. Et sa carrière, du moins sa carrière, son dernier grand succès, c'est en 1999 qu'il le signe. Et donc voilà, on n'a pas plus d'informations. Quelle année tu dis le dernier grand succès ? 99. D'accord. Donc ça va, hein. Ça date... Mais je pensais que ça datait de plus des années 90, comme hier on a fait un Dance Machine fin 80, début 90, donc là je pensais que c'était moins récent. Mais apparemment. Et Viter of the Love Parade, ça datait de quand ? Ça date de 97, c'est un de ses premiers succès. Normalement, d'accord, ça doit être le premier, deux, trois, c'est le troisième succès et, de l'année 90. Et tu vois le clin d'œil quand même, 10 ans. Ouais. Pile. Oh, c'est magnifique. 10 ans de la Love Parade. Voilà, bah il arrive dans les studios. Ça y est. Ouais, on va arriver. On a Daoul qui arrive dans les studios. En personne, parce qu'il revient de loin. 10 ans, vous vous rendez compte ? Donc on fête aujourd'hui cet anniversaire. Aujourd'hui, on vous diffuse en exclu Daoul, Meter at the Love Parade. Pour ceux qui se souviennent, ça donnait ceci. Ah, ça tape ça. Ça va être tout de suite. C'est des hein. bons souvenirs. Si vous êtes en voiture... Faites pas trop les foufous. Bah non mais... Non mais après popotin, foufou, oui, tu nous as des expressions, toi aujourd'hui t'es motivé. Ah, je connais pas, c'est un remix. Hein. Mais je crois qu'il c'est en a sorti 40-45 remix comme ça, ouais. Ah, ça, c'est un morceau quasi original. C'est vrai. Alors, vous êtes promené du côté de la Love Parade avec Daoul. Entrez progressivement dans un autre univers. Le VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum boum. C'était bien, c'était de la bonne musique. Le show continue sur l'antenne. Vous allez retrouver d'ici peu le rappel des news. Il y aura également un point sur la série radiophonique. Il y a également... la météo. La météo, oui, tout à fait. La météo des fruits de mer avec Léna en direct des studios de la radio. Mm-hmm. Il y aura également le point sportif présenté par notre ami Thomas. Oui. Et puis... et puis... le Sun Game. Bah oui. Pour gagner les huîtres et la place de cinéma offerte par notre partenaire Les Baladins. Et la soirée avec notre avec animateur Léna. Préféré. Avec Léna. Non, non, avec Jack. On fait gagner une soirée avec Léna, offert avec Jack. Tout champagne, tout ça, enfin, c'est énorme. Faut juste envoyer un texto. Juste un. D'accord. Et puis si... attends, je l'envoie. Oui, tu l'envoies. Je passerai la soirée avec moi-même. Tu crois, tu vas t'ennuyer quand même. C'est pas grave. Yannick Noah, Charango sur l'antenne, c'est le tout dernier. À suivre la météo. On sait trop bien ce qui se passe. C'est pas humain, ça nous dépasse. On lit souvent à notre glace, que veux-tu que j'y fasse? On comprend bien que juste en face, des millions de pas nous s'entassent. Et puis entre deux guerres lasses, on finit et on débarrasse. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi. À la surface de nos inutiles carapaces, dans l'obscurité de l'impasse, si tu savais ce qu'on ressasse. Dans le silence un ange passe, peut-être faire le taf à notre place. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi ou moi. C'est pas juste un mot, un premier pas. Voilà. Et le reste viendra. Là, là, là, un sourire, une voix. Là, là, et le reste suivra. Là, là, tout ce qu'on peut déjà. Là, là, déjà toi ou moi. Là, là, yaka, yaka, yaka. Entrez progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum. Le club VIP, la suite, Yannick Noah, à l'instant c'était Charango le titre. À suivre dans le programme musical, il y aura Carl Kennedy, Rashfo, Ride the Storm, c'est le titre exact. Et nous retrouvons également dans les studios donc Léna qui se passe. Oui, ça va. Tu se passes bien. Tu te passes bien toute seule. Ça va. Ça va bien. Ah, impeccable. Ah, trop bien. Quand la Léna est comme ça, ça veut dire que le temps promet d'être beau. Donc on va voir. Léna, tu vas nous faire un point météo. Il y a également dans les studios. C'est trop beau dehors. Il y a les studios, la voix off donc la voix radiophonique. Elle s'appelle Elodie, ça va? Ça va bien. Je te donne bien, mon bien. Ça va trop bien. Bon bah ça va super alors, si ça va bien. Nous allons attaquer la météo. La météo des fruits de mer. La couleur de votre été en direct de la radio. Quelle est la couleur de l'été? Alors comme le confirme Mélodie, il fait beau. Il y a un joli soleil dehors, donc les températures maximum c'est 19 degrés. Et la température de l'eau est à 17 degrés, la basse mer est à 13h34 et il y aura un coefficient de 95. T'as bon zen ? Ah, c'est bon, on a fait un concours, j'ai gagné. Je demande un jury équitable à la radio. Qui c'est ? Franchement. Bah, oui. Bah voilà, c'est moi qui ai gagné. Et ouais. Mais est-ce que tu peux venir comparer quand même, Elodie dit, quel est l'animateur le plus bronzé de cet été ? Selena. Non mais il faut que tu fasses une comparaison. Selena. Mais à distance comme ça dans le noir, évidemment, t'es plus bronzé, pas... c'est sûr. Normal, dans le noir tu vois rien. Il va faire beau alors quand oui, même. Oui, il va faire super beau, donc on va pouvoir continuer notre concours de bronzage. Voilà, dit, ouais. Et également les auditeurs, en vous rappelant quand même qu'il faut mettre de la crème solaire. Et d'aller à la pêche aussi à 13h34, vous pouvez y aller. Parce que la marée sera à 95. D'accord. C'est pas mal. Hein. Bah merci pour toutes ces informations. Et 6 heures après, elle est haute alors. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça marche. Moi, je comprends de mieux en mieux la marée. Tout le monde rentre. Ah, bah tout le monde rentre. Et il ne va pas pêcher les palourdes, c'est Carl Kennedy. Cela dit, il sait les déguster. Hey, my soul sister, don't you look so sad? Stop thinking about what you ain't got, but see the things you have. Don't you go and throw it all away. Tomorrow doesn't have to be just another yesterday. You say you wanna hate it all, but don't you get that right, baby. Radio, un simple texto suffit. 0622 69 18 19. 0622 69 18 19. Club VIP. Et ouais, c'est le Club VIP. Et je vous l'annonce, hein, pour vendredi, on a une invitée de luxe, une chanteuse, une grande chanteuse française qui va tout simplement mettre le feu pour cette Last One. Ça va être énorme. Hein, ça va être une chanteuse dont les initiales sont AB. Ouais. Si vous avez la bonne réponse, vous pouvez gagner des huîtres. Ah, on vous les donne. A, B, 0622, 69, 18, 19. Et je vois que notre sémillant sportif a mis sa tenue de sportif, hein, tout simplement, pour nous parler de sport. Parce que c'est un peu le principe. Bonjour Thomas. Bonjour Jack. Bonjour Elodie. Bonjour Léna. Allez, Thomas. Bonjour Thomas. Alors, que s'est-il passé au niveau actualité sportive? Je sais que les auditeurs se languissent. Dépêche-toi, il y a eu plein de trucs. Effectivement, côté tennis, tout d'abord, avec l'US Open. Par exemple, Jack, je sais que tu suis attentivement, tout comme moi d'ailleurs. Et donc, pour vous dire hier les résultats de la première journée, donc il y a Federer qui s'est qualifié facilement en 3-7 contre Jenkins, l'américain. Davidenko s'est également qualifié sans trop de problème pour le deuxième tour. Murray également, l'anglais. Ouais. Kanyas et As ont eu un peu plus de mal, ils sont qualifiés en 4-7. Mm-hmm. Et en revanche, élimination de Baghdatis et de Ferrero chez les têtes de série. Et pour les Français, donc, il y a l'élimination de Thierry Hassione, de Marc Gicquel contre Berdych, Beneteau et Paul-Henri Mathieu qui a perdu en 5-7 contre Verdasco hier aussi, c'est dommage. Verdasco. Ouais. D'accord. Et quand même, qualification de Richard Gasquet. Bravo. Ah, Richard Gasquet dans le studio, quand on sait qu'il est le favori, le chouchou. Oui, effectivement. Donc il s'est qualifié facilement contre Reutemann, un Argentin 3-7. Gilles Simon a profité de l'abandon de Vasqueux, tout comme Grosjean qui a profité de celui de Goldstein. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a Hewitt, Blake, Roddick, Djokovic, Ljubicic également qui entre en liste. En lice. Voilà, en lice. Et il va y avoir également Fabrice Santoro qui jouera contre Montanès. Vasselin qui jouera contre Monaco et Liodra aussi qui jouera contre Volandri. Contre eux ? Volandri. Volandri, d'accord, l'Italien. Ouais. Bien sûr. Donc en football, il y a aussi un match comptant pour Le football. Le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Donc là, c'est match retour Liverpool-Toulouse. Ça se passe à Liverpool. D'accord. Et on sait que Liverpool s'est imposé 1-0 à Toulouse. Donc on va voir ce que donnent les Toulousains au match retour. Ah. À domicile. Voilà. Non, à l'extérieur. À l'extérieur du domicile. D'accord. Non, mais on se comprend. Voilà. Donc en Ligue 1 aussi, c'est la sixième journée. Donc ce soir, il y a Lorient-Valenciennes à 21h. Et demain, le programme sera un peu plus chargé avec à 18h30 l'OM qui reçoit Nice. Ensuite, à 20h30, Lille qui reçoit Monaco. Saint-Étienne-Strasbourg, Le Mans-Paris-Saint-Germain, Metz-Bordeaux, Auxerre-Rennes. Et à 20h45, Sochaux-Lyon. Voilà, et puis juste un petit mot d'athlétisme pour dire que Mehdi Bala a été disqualifié hier en demi-finale du 1500 mètres, donc une chance de médaille en moins pour les Français. Oh. Et hélas. Et 100 mètres, c'est quand? Le 100 mètres, c'est déjà passé là, et c'est Tyson Gay qui a remporté hier le 100 mètres. Ça, j'aime bien, je sais que. C'est spectaculaire, hein. Ouais, c'est impressionnant la musculature de ces athlètes, un peu comme la tienne. La suite de la musique, c'est What, Why, When, What. Allez, vous savez, vous connaissez pas ce titre-là. À votre avis, c'est quoi? Moi, je dirais que c'est Fireball. Ouais, exactement. What I Want. Let's go. Bob Sinclair à l'instant. Tu veux suivre Estival en permanence? Ouais. Estivales.fm.free.fr. Estivales.fm.free.fr. Alors, let's go sur le web. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum. Et elle est là, la personne qui fait boum boum. Elle s'appelle Léna dans les studios. Ça va? Oui, ça va très bien. On dit frappadingue du casque. Non, je suis frappadingue du casque. Non, mais moi, on nous. Non. Non, Léna. Un petit peu. Généreusement. Je suis légèrement. Oui. La frappadingue du casque. Frappadingue du casque. Je suis légèrement fêlée, j'ai pas de chance. C'est affectif, hein, la radio. Oui, je peux me retourner le compliment. Je serais déçu que tu ne le fasses pas, d'ailleurs. C'est vrai? Bah alors, je vais pas te le faire. Ah bon, d'accord, merci. La suite du programme, c'est le TVscope d'ici quelques instants. Ok. Non? Non, mais vas-y. Non, je sais pas. C'est parti. Non, mais dans quelques instants, pas tout de suite. Bah oui, faut que je le cherche. Il y aura également la série radiophonique. Oh, puis je crois que quand on aura fait tout ça, on aura fait une bonne émission bien complète. Oui. Puisque nous vous passerons l'épisode 17 en post-production avec la voix off. Elodie qui est présente dans les studios. Ça se passe bien, le métier de voix off, pas trop dur? Oh bah un petit peu quand même. Bon bah viens là alors. Ça fait beaucoup de textes. Tu vas annoncer le titre qui va suivre. Faut en profiter, aller payer elle. Oh ça y est, juste parce qu'elle a droit à un sandwich. Là ça, hop. Voilà, tu l'annonces pour les auditeurs. Donc la voix off professionnelle jusqu'au bout va vous annoncer la suite, auditeur. Et puis on retrouve le TVscope, une partie de l'actualité. Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que tu lui as donné? T'es un méchant. Mais non, mais c'est écrit. C'est qu'est-ce qu'il y a écrit? On dit le chat là. Ouais, faut que tu dises tout ça. Allez, c'est parti, c'est à toi, vite, vite. Donc maintenant, c'est Gwen Stefani avec Four in the Morning. C'est ça. Bah oui. Last night, but now. Club VIP. Tout le monde rentre. Tu vas entrer progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum boum boum. Et cette fois, elles ne sont pas une, elles n'est pas une, mais elles sont deux à représenter le boum boum, la boum boum mania sur l'antenne. On va vous faire un petit tube hein, pour la dernière, effectivement, qui sera le boum boum single à venir, qui déménagera bien sûr pour la rentrée pour vous donner la pêche et toujours cet esprit estival. Spirit Summer, comme on l'appelle ici. Nous allons attaquer avec cette rubrique que nous aimons particulièrement, puisqu'il s'agit du TVscope. C'est ces moments où Léna plonge dans la télé-réalité. Aujourd'hui, c'est bien particulier puisque ça va être une interview, c'est ça? Oui, tu c'est reçois ça. Aujourd'hui. Ouais, c'est un petit jeu entre nous. Hein. Oui, donc en fait, Elodie va se faire passer pour Marilyn. Et moi, je me fais passer pour l'intervieweur. C'est parti. Marilyn, il faut bien expliquer le contexte. C'est Marilyn de Secret Story. Voilà. Donc, c'est, on va la connaître plus à travers cette interview. Donc, Léna, bonne interview, bonne chance. C'est parti. Le Téléscope, toute l'actu de la télé, enfin à la radio. Alors, on y va. Vous avez déclaré être déçu par Xavier et Tatiana. Pourquoi? J'ai revisionné les enregistrements de Secret. Il y a eu un problème de micro, pardon. J'ai revisionné les enregistrements de Secret Story et je me suis aperçue que j'avais été manipulée par le couple depuis le début, comme tous les candidats. Dans la maison, je n'avais pas du tout la même image d'eux. C'est des méchants, hein, ce couple. Ouais, c'est pas dur, possible. Ouais, dur, dur. Alors, croyez-vous que Maxime est lui aussi manipulé par le couple? Bah oui, ça c'est sûr, il est très naïf. C'est pire qu'un pion pour eux, c'est un légume. Ah ouais, carrément. Moi, je pense que c'est une courgette, plus que chose, ou un concombre. C'est oui, tu sais. Parce que quand. Non, mais c'est pas ça, mais quand ça vieillit, en fait, c'est tout ripé, c'est tout mou, c'est pas top, quoi. On dirait ça. Oh, donc, l'image. Pensez-vous qu'ils sont prêts à tout pour gagner? Oui, ils vendraient père et mère pour arriver à leur fin. C'est ce qu'ils ont déjà fait, je pense. Ah oui, en plus. Oui. Oh oui, je pense. Comment envisagez-vous leur sortie? Ouh là là, ça va être dur pour eux. Ouh là là. Les gens les détestent. On me dit souvent qu'elle pèse, cette Tatiana. À mon avis, ce sera pire que pour Kenza de Love Story. Hein. Je leur souhaite bien du courage. Ah d'accord. Et dernière question, donc quel est votre bilan de l'aventure? Pour ma part, je suis très contente d'avoir participé à Secret Story. Mais si, je suis tout de même un peu soulagée d'en être sortie. Les gens sont adorables avec moi. Je prendrai peut-être une colocation avec Gabriel si je viens habiter sur Paris. J'espère qu'il gagnera. En tout cas, je suis sûre que Tatiana et Xavier ne remporteront pas le jeu. En tout cas, c'est ballot puisque Gabriel est sorti la semaine dernière. En tout cas, merci Marilyn. Il faut savoir de que rien. C'était donc Marilyn interprétée par Elodie, qui est une interview tirée du magazine. On peut le citer là, non. Du coup. Ah si, non, on peut. On doit. Non. Pourquoi? Ah si. Bah c'est Closer. Voilà, on a cité nos sources Closer. Et c'est tout était tiré de ce magazine. Voilà. Restitution. Nous allons attaquer Eric I, mais pas trop dur quand même. The Beat is Rocking sur l'antenne. La suite, c'est la saga radiophonique. Après, on se dit au revoir. Il y a le jeu également pour gagner les huîtres. A tout de suite. entrer progressivement dans un autre univers. VIP, l'émission qui fait boum boum boum boum boum. Bah, ça fait bien boum boum et ça fait bien la fin puisque nous allons attaquer avec la dernière partie de cette émission qui fait bien nos affaires puisque c'est la saga radiophonique, la coproduction énorme, l'épisode 17 que tout le monde attend avec beaucoup d'impatience. Je sais que vous restez, vous traînez les auditeurs sur le flux internet pour rester attendre avec beaucoup d'inquiétude ce qui va se passer. Tu as entendu ce qui s'est passé dans l'épisode 16? Oui. Il y a eu quand même du rebondissement. Oui. Non mais c'est vrai, enfin, tu le dis ça d'un air, mais oui. Oui, oui. Mais c'est plus triste que ça, hein. Il y a eu du rebondissement à cause de Pamela, et je ne sais pas quelle est l'actrice qui interprète ce rôle, mais elle est terriblement noire. On sait tous qui c'est qui interprète Pamela. Je ne sais pas, mais elle est sombre. Elle a des dessins bien cruels. Nous allons donc attaquer avec ce dernier épisode, puisque... Enfin, de la journée, hein, puisque nous avons 20 épisodes dans la saga en tout. Donc vendredi, on vous passera le dernier, le dénouement, la fin. Quelque chose à ne pas manquer, le festival sur l'antenne. Et là, voici l'épisode 17, tout juste sorti du banc de montage, encore chaud. Voici Kiss Kiss Forever, votre saga radiophonique de l'été. Dans les épisodes précédents, Brian, un acteur qui sort tout juste du coma, essaie de raccrocher un contrat avec un producteur. Sa femme tente de lui barrer la route du succès. Voici l'épisode 17 de votre série Kiss Kiss Forever, épisode intitulé « Les doutes de la gloire ». Résidence Forever, 11h22. Jérémy, souhait ta mère ? Elle est dans sa chambre à l'étage. Dis-moi, je peux avoir une petite rallonge sur mon argent de poche ? La seule rallonge que je peux te donner, elle est électrique et tu peux aller te pendre avec. Le courant passe vraiment pas entre nous, papa. Je n'aime pas les petits profiteurs élevés au caviar, des guirpies. Pam ! Pamela ! Brian, je suis dans le lit conjugal. Un lit qui se conjugue au passé. Oublier le passé, c'est facile pour toi qui n'as qu'une mémoire de poisson rouge. Mais j'essaierai. Et de mon côté, je tente d'oublier tes penchants assassins. Je dois aller tourner un bout d'essai avec ma nouvelle partenaire. Ne m'attends pas pour dîner. Je n'attends jamais personne. Bisous. Docteur Lover, vous me conduisez ? Je ne me rappelle plus où se trouve Hollywood. Moi non plus, mais j'ai un GPS. C'est bizarre de rouler vers la gloire future avec un sentiment disparate. Comment ça ? Je ne suis pas sûr que le Brian que j'étais autrefois voulait tellement revenir sur scène. Pourtant, cela va être un starter pour votre carrière. Mais si j'avais eu d'autres intentions ? Je ne comprends pas. Moi non plus, je ne me comprends pas. Mais j'y verrai plus clair sur le tournage. Des réponses vont venir compléter toutes mes questions, tôt ou tard. Et mais quel type de questions, quel type de réponses ? À suivre pour l'épisode 18 demain ! Ne pas rater. Donc Brian qui reprend sa carrière d'acteur, ça fait plaisir. Et Pamela qui semble un peu moins agressive. Tout ça est formidable. Le Sun Game. Sun Game. Des cadeaux plein ta radio. Alors on va expliquer, Léna, le Sun Game. Oui. Faut gagner, faut appeler, faut gagner. Oui, faut appeler le... Du moins, il faut envoyer un SMS au 0622 69 18 19 et répondre à la question que tu vas poser dans quelques secondes. Ouais. Et tu gagnes 48 huîtres, voilà. Une place de ciné, voilà. Et une soirée avec toi, c'est ça ? Non, c'était avec toi. Non, c'était avec toi. C'était optionnel, je crois. Ah, c'était avec Elodie, il me semble. C'était avec la voix off. Ah, il fallait pas parler. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour les huîtres, c'est OK. Pour le ciné, c'est ok aussi, mais pour la soirée avec Jack, c'est ok aussi. Et celle avec Léna, c'est ok aussi. Ok, on y va. 0622 69 18 19. Par contre, les deux en même temps, c'est insupportable. Ah, il faut vraiment pas les prendre. 0622 69 18 19. C'est le numéro SMS. 0622 69 18 19. 19. Allez, je pose la question, il est grand temps. Vas-y, vas-y, on attend. T'es prête à jouer ? Toujours la question du jour. Alors, Brian va avoir une nouvelle partenaire pour donc le tournage de son prochain film À l'ouest de l'amour. S'agit-il petit A de Cameron Diaz, petit B de Cameron Cruz ou petit C de Cameron Meredith ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Alors, vous avez la bonne réponse, vous envoyez A, B ou C. Donc A, c'est Cameron Diaz. B, c'est Cameron Cruz. C, c'est Cameron Meredith. Donc, si vous pensez que c'est A, B ou C, vous envoyez un texto et vous gagnez tous les cadeaux qu'on vous a dit au 0622 69 18 19. Et c'est facile, hein, une fois de plus. Vous avez la bonne réponse dans le studio ? Ouais, c'est bon, je te l'envoie. Ah ouais, on verra. On verra si c'est la bonne réponse. Nous allons attaquer avec le générique final et puis on vous dit au revoir, à bientôt, ciao, bye bye. Merci de l'avoir écouté. Merci pour eux. Club VIP. Tu découvres. Non mais je faisais pas, j'ai pas tilté mais oui, c'est pas mal. Merci pour nous, merci. Merci à vous les auditeurs en tout cas et continuez comme ça sur l'été, c'est formidable.